Chapitre 8. Union de l'Église d'Angleterre avec les protestants de l'Allemagne. 8.8. Henri VIII accueilli de Mélenchon. Mélenchon le repousse. L'électeur et Luther disposés pour Henri. Les erreurs de l'intolérance. Nouvelle ambassade anglaise. L'alliance est signée. Cranmer sauve Marie. Conférence avec Catherine. Décision, ascétisme, maladie de Catherine. Préparatifs de Charles contre l'Angleterre. Testament, adieu, mort de Catherine. Sentiment d'Anne Boleyn à sa mort. L'Angleterre et l'Allemagne cherchent à s'unir. Discussion théologique à Wittenberg. Luther cédera-t-il quelque chose? Un maître et des esclaves à la cour d'Angleterre. Henri VIII, ayant renversé la colonne de la papauté, les moines, sentait le besoin de fortifier l'œuvre qu'il avait entreprise en s'alliant avec les protestants continentaux. Ce n'était pas du côté des Suisses, des Français réformés, qu'il se tournait. Leur peu d'importance politique, ainsi que la décision de leur réforme et de leur caractère, l'éloignaient d'eux. « Ah, disait Calvin, ce sont des imprudents qui exaltent le roi d'Angleterre. Attribuer en tout au prince l'autorité souveraine, l'appeler chef suprême de l'Église, au-dessous de Jésus-Christ, est à mes yeux un vrai blasphème. » Henri espérait davantage de l'Allemagne que de la Suisse. Déjà en 1534, trois sénateurs de Lübeck lui avaient présenté la confession d'Augsbourg et proposé une alliance contre le pontife romain. La reine Anne pressait le roi de s'unir avec les protestants. Au printemps de 1535, Barnes fut envoyé à Wittenberg et engagea les réformateurs à réclamer la protection de son maître. Mélenchon, plus porté que Luther à recourir au prince, puisqu'il ne refusait pas de s'unir à François Ier, ne repoussa pas les avances de Henri VIII. « Sire, lui écrivit-il en mars 1535, c'est maintenant l'âge d'or pour votre Grande-Bretagne. » Déjà à l'époque où les armées des Goths avaient étouffé les lettres en Europe, votre île les rendit à l'univers. Je vous en supplie au nom de Jésus-Christ, plaidez pour nous auprès des rois. Puis l'illustre docteur dédia à ce prince la nouvelle édition de ses fameux lieux communs et chargea un Écossais, Aliesius, de la lui présenter en exprimant le désir de voir l'Angleterre devenir le salut de beaucoup de nations et même de toute l'Église de Christ. Aliesius, réfugié en Saxe, mais heureux de retourner dans cette île dont le fanatisme du clergé écossais l'avait obligé de s'enfuir, se présenta devant l'oncle de son roi. Henri, charmé de l'Écossais, lui dit « Je vous nomme mon écolier » et chargea Cromwell d'envoyer à Mélenchon 200 couronnes. Il y joignit une lettre pour l'illustre professeur qu'il signa « Votre ami Henri VIII ». Mais bientôt les espérances d'union entre l'Allemagne et l'Angleterre parurent s'évanouir. À peine Mélenchon venait-il dans sa dédicace à Henri VIII de vanter la modération du roi, modération digne, avait-il dit, d'un prince sage, qu'il apprit les supplices de Fischer et de Thé mort. Il recula d'épouvante. « Morus, s'écria-t-il, a été mis à mort, et d'autres avec lui. Les cruautés du roi affligeaient le doux Philippe. La pensée que l'on put faire périr, par la main du bourreau, des gens de lettres tels que morts, le scandalisait. Il commença à craindre pour sa vie. « Je suis moi-même, dit-il, dans un grand péril. » Henri ne soupçonnait pas l'horreur que son crime causerait sur le continent et venait de lire avec ravissement un passage de Mélenchon où celui-ci l'avait comparé à Ptolémée Philadelphe. Il dit donc à Barnes « Allez et amenez-le-moi ». Barnes retourna en septembre à Wittenberg et s'acquitta de son message. Mais jamais le docteur de l'Allemagne n'avait reçu une invitation aussi effrayante. Il n'y vit qu'une ruse perfide. « Ah ! S'écria-t-il, la pensée seule de ce voyage m'accable de douleur. » Barnes chercha le rassurer. « Le roi, dit-il, vous donnera une magnifique escorte, et même des otages, si vous en voulez. » Mélenchon, qui voyait toujours devant lui la tête sanglante de Thomas More, fut inébranlable. Luther aussi ne voyait pas Barnes d'un bon œil et l'appelait le noir anglais. L'envoyé fut plus heureux auprès de l'électeur. Jean-Frédéric, apprenant que le roi d'Angleterre désirait s'allier au prince de l'Allemagne, répondit qu'il leur communiquerait cette importante demande. Puis il donna à Barnes un somptueux repas, lui fit de beaux présents et écrivit à Henri VIII que le désir manifesté par ce prince de réformer la doctrine religieuse augmentait l'amour qu'il avait pour lui, car il appartient au roi, ajouta-t-il, de propager au loin la gloire de Jésus-Christ. Luther aussi, mais par d'autres motifs que les lecteurs, n'y regardait pas de si près que Mélenchon. La suppression des couvents le prévenait en faveur de son ancien adversaire. Les peines dont les chartreuses et d'autres avaient été frappées ne l'effrayaient point. Le légat du pape Vergerio étant à Wittenberg au commencement de novembre, ayant invité Luther à déjeuner chez lui, « Je sais, dit le légat, que le roi Henri tue les cardinaux et les évêques, mais... » Et se mordant les lèvres, il se contenta de faire de la main un geste hardi, comme s'il voulait couper la tête au roi. En rapportant cette anecdote à Mélenchon, alors à Iéna, Luther ajouta « Plût à Dieu que nous eussions plusieurs rois d'Angleterre pour mettre à mort ces évêques, ces cardinaux, ces légats et ces papes, qui ne sont que des voleurs, des traîtres et des diables. » Luther était moins tendre qu'on se plaît à le dépeindre, quand on l'oppose à Calvin. Ces paroles trop vives exprimaient au fond la pensée de tous les partis. Il fallait que le levain spirituel de l'Évangile travaillât encore un siècle et plus la pâte dure dont le cœur de l'homme est fait avant que les erreurs de la législation romaine vieille de 1000 ans fussent abolies. Il y eut sans doute un adoucissement immédiat produit par la Réformation. Mais si l'on était venu dire aux hommes du XVIe siècle que l'on ne devait pas mettre à mort pour cas d'impiété, ils eussent été aussi étonnés et peut-être plus que ne le seraient les juges de notre temps si on les attaquait parce que, conformément aux lois, ils punissent le meurtre de la peine capitale. Il est pourtant étrange qu'il ait fallu tant de siècles pour comprendre cette belle parole du Seigneur « Le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les hommes, mais pour les sauver ». La condition que les protestants mettaient à leur union avec Henri VIII rendait cette alliance difficile. « Nous ne demandons qu'une chose, disaient les réformateurs à Barnes, c'est que la doctrine qui est conforme aux Écritures soit restituée à tout l'univers. » Or, Henri retenait toujours la doctrine catholique. Mais on lui disait que les luthériens et François Ier, grâce à la médiation de Mélenchon, allaient peut-être se mettre d'accord et qu'un concile général devait être convoqué. Quel traitement pouvait-il attendre d'une telle assemblée, lui qui avait si grièvement offensé la papauté? Voulant donc à tout prix s'opposer au concile, le roi résolut, en septembre 1535, d'envoyer aux luthériens une ambassade plus considérable afin de leur persuader de renoncer à se mettre d'accord avec le pape et de s'allier plutôt avec l'Angleterre. En conséquence, Fox, évêque d'Erford, courtisan violent, orgueilleux, l'archidiacre Hess, homme aimable et éclairé, et quelques autres personnages partirent pour l'Allemagne et se joignirent à Barnes et à Mont qui les avaient précédés. Admis le 24 décembre à Smalkald, en présence de l'électeur de Saxe, du landgrave de Hesse et des autres princes et députés protestants, le roi notre maître, dirent-ils, a aboli dans son royaume la puissance de l'évêque romain. Il a rejeté ses prétendus pardons et ses comptes de vieilles femmes. Aussi le pape, transporté de fureur, appelle-t-il tous les rois de la terre à prendre les armes contre lui. Mais ni le pape ni les papistes ne l'épouvantent. Il vous offre pour combattre la puissance romaine, sa personne, ses richesses, son sceptre. Unissons-nous contre elle, et l'esprit même de Dieu sera le ciment de notre confédération. Les princes répondirent à cette éloquente harangue que si le roi s'engageait à répandre la pure doctrine de la foi, telle qu'elle avait été confessée à la diète d'Augsbourg, s'il s'engageait comme eux à ne jamais concéder dans ses états aucune juridiction à l'évêque romain, ils le nommeraient défenseur et protecteur de leur confédération. Ils ajoutèrent qu'ils enverraient au roi pour conférer avec lui sur ce qu'il faut changer dans l'Église des députés parmi lesquels un d'une science excellente, c'était Mélenchon. Les Anglais ne cachèrent pas leur joie, mais ce savant avait perdu toute confiance dans Henri VIII. « La mort de Maurus m'afflige, disait-il, je ne me mêlerai pas de cette affaire. » Néanmoins, l'alliance fut signée le 25 décembre 1535. Le parti catholique en Angleterre, surtout, fut troublé en l'apprenant, et Gardiner, alors ambassadeur en France, se hâta d'écrire pour s'opposer à des desseins qui devaient établir le protestantisme dans l'Église anglicane. Pendant que le roi s'unissait avec la confession d'Augsbourg, ses rapports avec les fauteurs les plus décidés de la papauté étaient loin de s'améliorer. Sa fille Marie, qui avait un esprit mélancolique et irritable, ne ménageait ni les amis ni les actes de son père et refusait de se soumettre à ses ordres. « Je lui commande, dit Henri irrité, de renoncer au titre de princesse. » Si je consentais à ne pas être regardé comme tel, répondit Marie, j'agirais contre ma conscience et j'encourrais le déplaisir de Dieu. Henri, ne voulant plus rien ménager, parlait de faire mettre sa fille à mort et d'épouvanter ainsi les rebelles. Ce malheureux prince avait la disposition étonnante de faire mourir ceux qui lui tenaient de plus près. On peut voir un père donner un soufflet à son enfant, mais chez cet homme, le coup de la main donnait le coup de la mort. Déjà, il était question d'envoyer la princesse à la tour. L'évangélique Cranmer osa intercéder en faveur de la catholique Marie. Il rappela à Henri qu'il était son père, que s'il lui ôtait la vie, il encourrait la réprobation universelle. Le roi se rendit à ses représentations, mais en prédisant à l'archevêque que cette intercession lui coûterait cher un jour. Et en effet, Marie, devenue reine, fit mettre à mort celui qui lui avait sauvé la vie. Henri se contenta d'ordonner que la fille fût séparée de sa mère. Catherine, alarmée, s'efforça de son côté d'adoucir sa fille. « Obéissez au roi en toutes choses, lui écrivit-elle, de Bugden, où elle résidait alors, sauf celle qui perdrait votre âme. Parlez peu, ne vous mêlez de rien, jouez de l'épinette ou du luth. » Cette malheureuse femme, qui avait trouvé dans l'union conjugale tant d'amertume, ajoutait, « Surtout, ne désirez pas un époux, n'y pensez pas même. Je vous le demande au nom de la passion de Jésus-Christ, votre mère qui vous aime, Catherine, reine. » Mais la mère n'était pas moins décidée que la fille à maintenir ses droits. Elle ne voulait pas renoncer à son titre de reine, malgré les ordres de Henri VIII. Une commission composée du duc de Suffolk, de Lord Sussex et d'autres délégués arriva à Bugden pour l'y engager, et toute la maison de cette princesse fut assemblée. Alors l'intrépide fille de Ferdinand et d'Isabelle dit d'une voix ferme « Je suis reine, je suis la femme légitime du roi ». Puis, ayant appris qu'on voulait transporter sa résidence à Somersham pour la séparer de quelques-uns de ses confidents, « Je n'irai pas, répondit-elle, à moins que vous ne me liez avec des cordes et m'y traîniez de force ». Et pour empêcher qu'on ne l'y menât, elle se mit au lit et refusa de s'habiller, disant qu'elle était malade. Le roi lui envoya de près la catholique, l'archevêque d'York et l'évêque de Durham, espérant l'adoucir. « Madame, dit l'archevêque, votre mariage n'étant pas valide, il est légitime, s'écria Catherine, saisie d'une véhémente colère. Jusqu'à la mort, je serai l'épouse de sa majesté. » Des membres même de votre conseil, continua l'archevêque, reconnaissent que votre union avec le prince Arthur a été vraiment accomplie. Ce sont des mensonges, s'écria-t-elle d'une voix retentissante. Le divorce a été en conséquence prononcé, par qui, reprit-elle, par Mylord de Canterbury. Et qui est-il, s'écria la reine, une ombre. Le pape s'est déclaré en ma faveur, il est, lui, le vicaire de Christ. Le roi vous traitera comme une sœur chérie, dit l'évêque Tunstall. « Rien au monde, répondit Catherine, ni la perte de mes biens, ni la perspective de la mort, ne me feront abandonner mes droits. » En octobre 1535, Catherine était encore à Bugden. Cette femme noble mais exaltée redoublait de rigidité, se livrait aux exercices les plus rudes de la vie ascétique, priait fréquemment, les genoux à nu, sur la terre. En même temps, une mortelle tristesse ruinait sa santé. Enfin, la consomption se prononça. Cet état demandait un changement d'air, la reine fut transportée à Kimbolten. Elle désirait la société de sa fille, qui sans doute eût adouci sa douleur, mais en vain demanda-t-elle avec larmes de la voir. En vain Marie supplia-t-elle qu'on lui permît de se rendre vers sa mère, le roi resta inflexible. La dureté de Henri VIII envers la tante de Charles Quint excita au plus haut degré la colère de ce monarque. Il revenait alors victorieux de sa première expédition en Afrique et résolu de ne plus tarder à accomplir la mission qu'il avait reçue du pape. Pour cela, il fallait obtenir, si ce n'est la coopération, au moins la neutralité de François Ier. Ce n'était pas facile, le roi de France avait toujours recherché l'alliance de l'Angleterre. Il avait signé un traité avec Henri contre l'empereur et contre le pape, et venait même de rechercher l'alliance des princes luthériens. Mais l'empereur savait que l'idée favorite de François Ier était l'acquisition de l'Italie, au moins de la Lombardie. Charles n'y tenait pas moins, mais il était si impatient de rétablir Catherine d'Aragon sur le trône et l'Angleterre sous la domination du pape qu'il se décida à sacrifier l'Italie, ne fût-ce qu'en apparence. Sforze, duc de Milan, venant de mourir sans enfant, l'empereur fit offrir à François Ier le duché de Milan pour son second fils, le duc d'Orléans, s'il voulait ne pas s'opposer à ses desseins contre l'Angleterre. Le roi de France accepta avec empressement cette proposition, et voulant faire preuve de zèle, il demanda même que le pape sommât tous les princes de la chrétienté d'obliger le roi d'Angleterre à se soumettre au siège de Rome. L'amour qu'il avait pour Milan allait jusqu'à lui faire demander une croisade contre Henri VIII, son allié naturel. L'affaire devenait sérieuse, rarement un plus grand danger avait menacé l'Angleterre. Un événement important l'éloigna tout à coup. Au moment où Charles Quint, aidé de François Ier, voulait soulever l'Europe pour remettre sa tante sur le trône, elle mourut. Vers la fin de décembre 1535, Catherine tomba sérieusement malade et comprit que Dieu mettait fin à ses grandes douleurs. Le roi, voulant garder les convenances, fit demander de ses nouvelles. La reine, ferme jusqu'à la fin dans ses sentiments, fit venir des hommes de loi et leur dicta son testament. « Je suis prête, dit-elle, à remettre mon âme à Dieu. Je supplie que 500 messes soient dites en ma faveur, que quelqu'un aille pour moi en pèlerinage à Notre-Dame de Walsingham. Je lègue mes robes au couvent et mes fourrures à ma fille. » Alors Catherine pensa au roi. Il était toujours pour elle son mari, et malgré ses injustices, elle ne voulait s'adresser à lui qu'avec respect. Sentant que sa fin n'était plus éloignée, elle dicta la lettre suivante, à la fois si simple et si noble. « Mon très cher Seigneur, époux et roi, l'heure de ma mort approche. L'amour que je vous porte me presse de vous rappeler le salut de votre âme. Vous m'avez plongé dans beaucoup de calamités et vous vous êtes enfoncé vous-même dans beaucoup de troubles. Mais je vous pardonne tout et je prie Dieu de faire de même. Je vous recommande notre fille, vous suppliant d'être un bon père pour elle. Enfin, j'exprime un dernier vœu. Mes yeux vous désirent par-dessus toute chose. Adieu. » La reine voulait donc faire ses adieux à celui qui lui avait fait tant de mal. Henri fut ému et versa même quelques larmes, mais il ne se rendit pas au désir de la reine, sa conscience lui reprochait ses fautes. Le 7 janvier, Catherine reçut les sacrements et à 2 heures, elle expira. Anne sentait au fond de son cœur les droits de cette princesse. Elle avait cédé à son ambition, à la volonté absolue du roi. Son mariage lui avait donné quelques moments de bonheur, mais souvent son âme était troublée. Elle se disait que la fière Espagnole était celle à laquelle Henri avait donné sa foi. Elle se demandait si ce n'était pas à la fille d'Isabelle qu'appartenait la couronne. La mort de Catherine dissipa ses inquiétudes. « Maintenant, dit-elle, maintenant je suis vraiment reine. » Elle prit le deuil, mais en jaune, selon la mode française du jour. Les larmes du peuple accompagnèrent dans la tombe une femme malheureuse, superstitieuse il est vrai, mais tendre mère, épouse généreuse et reine d'une indomptable fierté. Cette mort allait changer beaucoup de choses en Europe. L'empereur, qui formait une sainte ligue pour remettre sa tante sur le trône et qui avait été pour y parvenir jusqu'à sacrifier le nord de l'Italie, perpétuel objet de son ambition, n'ayant plus rien à faire pour Catherine, remit son épée dans son fourreau et garda Milan. François Ier, irrité de voir échapper de sa main la proie si ardemment convoitée et qu'il croyait déjà tenir, fut dans une grande colère et se prépara à une guerre à mort. L'empereur et le roi de France, au lieu de marcher ensemble contre Henri, se mirent au contraire à lui faire l'un et l'autre la cour, désireux de l'avoir pour allié dans la lutte violente qui allait commencer. En même temps, la mort de Catherine facilitait, nous l'avons dit, l'alliance du roi avec les protestants de l'Allemagne, qui s'étaient prononcés pour la validité de son mariage avec la princesse d'Aragon. Un des principaux griefs qu'ils avaient contre Henri VIII avait ainsi disparu. On pensa donc des deux côtés à faire un pas en avant et à chercher à s'entendre théologiquement. Il y avait en effet des points importants sur lesquels on différait. Le roi d'Angleterre, disait-on à Wittenberg, veut être pape à la place du pape, et il maintient la plupart des erreurs de l'ancienne papauté, les monastères, les indulgences, la messe, la prière pour les morts et autres fables romaines. La discussion commença à Wittenberg. Les tenants du théologique tournoi étaient d'un côté l'évêque Fox et l'archidiacre Is, de l'autre Mélenchon et Luther. Is, un des jeunes docteurs que la reine Anne avait entretenu à l'université de Cambridge, plaisait extrêmement à Mélenchon. Il excelle, disait-il, en urbanité et en saine doctrine. L'évêque Fox, au contraire, qui était l'homme du roi, ne montrait du goût à la vie de Philippe ni pour la philosophie ni pour des conversations aimables et élégantes. la doctrine de la messe fut le point principal des débats. On ne pouvait s'entendre. Luther, qui avait cru en avoir seulement pour 3 jours, voyant le temps s'écouler, dit à l'électeur « J'ai fait plus en 4 semaines que ces Anglais en 12 années. S'ils continuent à réformer sur ce pied-là, l'Angleterre ne sera jamais ni dehors ni dedans. » Cette définition de la réformation anglicane amusa les Allemands. On ne discutait pas, on se disputait. C'était une véritable rixe. « Je suis rassasié de ces débats, disait Luther au vice-chancelier Burckhardt, et j'en ai des nausées. » Le doux Mélenchon lui-même s'écriait « Vraiment, tout l'univers me semble embrasé de haine et de colère. » On interrompit donc les contestations théologiques et les ambassadeurs de Henri VIII furent admis le 12 mars en présence de l'électeur. « L'Angleterre est maintenant tranquille, dit l'évêque de Hereford. La mort d'une femme a mis fin pour jamais à toutes les chicanes. C'est la cause de Jésus-Christ qui, à cette heure, touche seule sa majesté. Le roi vous demande donc de rendre possible l'alliance entre vous et nous en adoucissant quelques points de votre confession. » Le vice-chancelier de Saxe s'adressa en conséquence à Luther et lui dit « Que pouvons-nous céder au roi d'Angleterre ?»« Rien, répondit le réformateur. Si nous avions voulu céder quelque chose, nous aurions pu tout aussi bien nous mettre d'accord avec le pape. » Après cette déclaration très positive, Luther se radoucit un peu. Il comprit, comme dit un autre réformateur, qu'il y a des hommes plus débiles que d'autres et que si on ne les traite pas avec une grande douceur, ils perdent courage et se détournent de la religion. Que les chrétiens qui sont plus avancés dans la doctrine sont tenus à soulager l'infirmité des ignorants. Le réformateur saxon, venant donc un peu à résipiscence, écrivit au vice-chancelier « Il est vrai que l'Angleterre ne peut embrasser tout à coup toute la vérité. » Il crut qu'on pouvait, en certains cas, adopter d'autres expressions et tolérer quelques diversités d'usage. Mais, dit-il, toujours ferme dans la foi, les grandes doctrines ne peuvent être ni abandonnées ni modifiées. S'il faut ou non s'allier avec le roi, que mon très gracieux Seigneur en décide. C'est une affaire séculière. Seulement, il est dangereux de s'unir extérieurement si les cœurs ne sont pas d'accord. Les États protestants, assemblés le 24 avril 1536 à Francfort sur le Main, demandèrent à Henri VIII de recevoir la foi confessée à Augsbourg et se déclarèrent prêts alors à le reconnaître comme protecteur de l'Alliance évangélique. L'électeur auquel certains rites anglais déplaisaient fort ajouta « Que votre majesté réforme décidément en Angleterre l'idolomanie pontificale ». Il fut arrêté que Mélenchon, Sturm, Bucer et Drakon se rendraient à Londres pour achever cette grande œuvre d'union. L'Angleterre et l'Allemagne évangélique allaient se donner la main. Cette alliance du roi avec les luthériens irritait profondément les catholiques du royaume, déjà si grièvement offensés par la suppression des monastères et le supplice des 2 hommes auxquels Henri, disait-il, était le plus redevable. Tandis que le parti romain était plein de colère, le parti politique était étonné de la marche hardie du prince. Mais le coup qui avait frappé 2 grandes victimes avait appris qu'il fallait se soumettre à la volonté du monarque ou périr. Les échafauds de Fischer et de More avaient donné une grande leçon de docilité et façonné tous ceux qui entouraient Henri à cet esprit servile qui ne laisse plus dans le palais des rois qu'un maître et des esclaves. On allait en voir un illustre exemple dans le procès d'Anne Boleyn.